Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Les missions des chercheurs. Plus jamais seul. Voyage intérieur. La série d'émissions de messages de vie. Un nouveau voyage dans cette aventure de l'émission du voyage intérieur. Je vous emmène dans un univers particulier et nouveau, où la musique est un moyen d'expression et reste totalement inventive et libre, comme les thématiques de nos émissions, pour nous ouvrir sur d'autres possibles. Je vous souhaite la bienvenue, bonjour à tous. While the people sleep, while I wake, encased in dreams that carry me to a distant sound. To want to take, I feel its way, even though I held this all. The voice above, even though I can't see far, I hold on tighter. I sink alone into the cloth and weeping willows, binding me to a wood, a shelter from a world of good. Even though I am helpless, all the voice above, even though nous allons parler de musique aujourd'hui dans le voyage impérieur, impérieur, impérial, intériorité. Voilà, nous savons tous que la musique, oui, que la musique nous touche au plus profond de notre âme, quelle que soit notre éducation ou nos origines. J'ai observé que nos points de repère dans l'écoute musicale est bâti sur des structures bien établies. Ces structures sont l'harmonie, le rythme et la mélodie, mais qu'est-ce que la musique improvisée ? Allons voir de plus près. Écoutez ou écoutons avec nos paupières et regardons avec nos oreilles. Le son, la note, le silence sont des êtres totalement singuliers lorsqu'il s'agit de définir la musique. Épluchons voir. La note de musique peut être longue, courte, carrée, ronde, difforme, creuse, folle, enjouée. Elle peut être bleue, rouge, orange, noire, blanche. Elle peut être grasse, petite, courte, longue, tendre. La musique improvisée se veut libre de toute règle et contrainte. En tout cas, elle cherche à s'en libérer sans toutefois vouloir en créer de nouvelles. Elle se veut aussi libérée de toute hiérarchie, dégagée de toute prise de pouvoir, d'autorité entre les participants professionnels ou non. seul importe les interactions par le sonore entre les improvisateurs, le lieu de la performance et les auditeurs. C'est aussi un lieu d'échange d'idées, de croyances, de remise en question et de rapports humains. Cette émission a été enregistrée au Festival Météo à Mulhouse, l'un des plus grands festivals de musique improvisée de France, qui a lieu chaque année au mois d'août. Je vous souhaite un bon voyage. Là, on entend quoi dans la chapelle? Du saxophone. Du saxophone? Je pense même deux saxophones. Deux saxophones? Un enregistré. Oui. Et un acoustique. Et on entend surtout les interférences de sons très proches qui créent des battements, qui mettent en relief des harmonies, qui donnent toute l'activité de la musique qui est en train de se passer. Où tu entends les reliefs? Où tu entends les harmonies? C'est en partie grâce au lieu, la spécificité du lieu. Et le... on va rentrer dans la physique du son, mais... mais c'est la proximité des deux sons qui sont joués crée une sorte de troisième son par interférence. Et l'entrée en résonance des deux sons met en valeur certaines harmoniques des sons acoustiques qui sont joués. Voilà, et c'est... La réelle activité n'est pas dans l'événement du geste instrumental, mais dans le parcours de ces sons interférents. Enfin, pour moi, c'est là que j'y vois le... C'est comme le chant diphonique. Un peu. On a assez peu d'interférences sur le chant diphonique, puisque la production, c'est un bourdon de base, et une sélection des harmoniques de ce bourdon-là. Les interférences apparaissent quand on a vraiment des proximités en même temps de deux fréquences qui par définition ne sont pas possibles à la voix. Et quand on écoute ça, pour quelqu'un qui veut écouter de la musique, on lui dit un saxophoniste va venir jouer, il entend ça, il est dérangé quelque part. Pourquoi? C'est une éducation, c'est une interprétation, c'est une... Je pense pas qu'il soit dérangé. Après il peut l'être, hein. Chacun a ses histoires et ses attentes. Je pense qu'on peut être dérangé si on a des attentes avant de venir, ou des idées de ce que doit être le saxophone ou la musique, ou des fantasmes de ce que doit être un musicien. Mais si on n'a pas ça et qu'on a des oreilles ouvertes à la découverte, il n'y a aucune raison d'être dérangé. Interpellé certes, mais dérangé, je pense pas. Parce que quand j'écoute la musique, il y a des harmonies, il y a des accords, il y a un rythme, tu vois, enfin, je veux dire, on a l'habitude... Quand voilà. T'écoutes une certaine musique. Ah, alors ça veut dire qu'on est envahi par des certaines musiques et pas par toutes les musiques. Évidemment. Ah. Évidemment, ouais, forcément. Forcément, mais ça commence avec la musique des sons qui nous entourent. Et c'est sûr que chaque lieu a sa musique déjà. Ce genre de musique existe depuis combien de temps? C'est un laboratoire de recherche ou c'est déjà une musique reconnue? C'est, oui, alors c'est des questions très, très compliquées parce que qu'est-ce que c'est qu'une reconnaissance d'une musique? À partir du moment où le musicien décide de la faire, il la reconnaît, donc elle est reconnue. Après, précisément sur ces jeux d'harmonique et d'interférence et tout ça, on a des traces de ça probablement depuis des siècles, mais dans des cultures qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Et puis il y a toujours cette difficulté sur l'histoire de la musique, comme l'enregistrement apparaît qu'il y a 150 ans, de savoir ce qui se faisait avant. Mais on peut observer ce genre de jeu d'harmonique dans des pratiques vocales à plein d'endroits de la planète, et certainement des pratiques traditionnelles, donc ancestrales. Dernière question, toi qui es professeur de musique, qui a déjà expérimenté cette musique et qui l'enseigne, dans un conservatoire, ça a été reconnu tout de suite, parce que c'est quand même un conservatoire, on fait de la musique classique, on fait de l'opéra, on fait quelque chose qui est conforme à une musique. Quand tu es arrivé, comment tu as pu être reconnu, enfin, pour exprimer cette musique? Pour parler de mon lieu spécifique, alors je sais pas comment ça se passe dans d'autres conservatoires, enfin si j'ai des idées, mais pour parler de mon lieu spécifique, je pense qu'il y a beaucoup un travail de une sorte de traduction, quoi, de pouvoir employer des vocabulaires familiers aux autres disciplines et aux autres enseignants du classique, parce qu'au final, la seule chose dont on parle, c'est de la musicalité, de l'écoute et de la transmission. Et je pense qu'en fonction du choix de vocabulaire, on peut arriver à se faire comprendre d'absolument tous les autres enseignants. Mais après, c'est sûr qu'il y a une démarche esthétique. L'aspect esthétique peut des fois avoir un côté un peu rebutant pour certains. Mais après, au final, on voit l'arbre à ses fruits. Et par exemple, les élèves qui pratiquent ça chez moi sont souvent des élèves qui ont des pratiques dans les disciplines classiques. Et quand au final c'est la musicalité qui gagne, le professeur d'instrument classique s'en rend compte et voit en pratique ce qui a pu être dit en mots. Voilà. Bon, merci. Merci pour cette initiation. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose ? C'était Samuel Collard, enseignant. Voici un témoignage de Gaspard, élève, 12 ans. D'improvisation, c'est quoi la musique libre d'improvisation? Alors il y a énormément de notions de ça, il y a beaucoup de possibilités de choix. On peut, pour moi, la musique improvisée, c'est une chose, une pratique très compliquée qu'il faut avoir beaucoup de talent et de capacité pour faire ça. Ensuite, pour moi, l'improvisation, c'est surtout la pratique à plusieurs ou en solo. Mais je trouve que le plus intéressant, évidemment, c'est toujours à plusieurs. Le fait de pouvoir dialoguer sans... C'est ça qui est magique d'improvisation, c'est de pouvoir dialoguer sans parler. Dialoguer uniquement avec les sons qu'on produit. C'est magique pour moi et j'ai vraiment envie de continuer et de faire ça ma vie. Mais... Pour moi, l'improvisation, c'est vraiment une chose très grande. Et j'espère que ça continuera encore très longtemps dans les générations suivantes qui continueront à pratiquer cette chose, parce que c'est vraiment une musique très exceptionnelle que je reconnais vraiment. Et voilà. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi par rapport à la musique traditionnelle ? Alors évidemment, à côté, je fais du classique en classe de percussion et ça me permet de pouvoir... Ça m'a changé un peu de mentalité, d'écoute. Quand je suis en classique, en trio ou en quatuor, au moment où j'ai commencé à faire l'improvisation avec d'autres, j'ai commencé à avoir une écoute très développée. J'ai commencé à vraiment développer quelque chose de très important pour moi dans la musique classique, et ça m'a vraiment beaucoup apporté. Ensuite, ça a changé la notion de la musique pour moi dans ma tête. Ça m'a fait découvrir un univers énorme. Je suis vraiment très contente d'avoir découvert ça assez tôt et de continuer à faire ça sans évidemment arrêter à côté tout ce qui est jazz, classique et après, parce que j'aime beaucoup aussi le jazz, hein, évidemment, mais la musique improvisée, pour moi, ça reste la musique que j'aime le plus pour l'instant. Alors, comment tu vois tes copains de classe? Quel âge tu as 12 ans, tu es en 5e, les garçons de ton âge, ils écoutent la musique improvisée? Alors, je suis dans un... Mon collège est placé sous zone d'éducation prioritaire. Et c'est, je crois que la totalité des élèves dans tout le collège ne savent même pas ce que c'est la musique improvisée, malheureusement. Mais on peut toujours leur faire découvrir, leur en parler. Mais je pense que beaucoup de mes professeurs connaissent très bien cette musique, je pense. Et voilà, sinon, pas vraiment. Et ça te différencie pas des autres, le fait de faire de la musique improvisée? Parce que comme tu disais, c'est difficile. Il faut avoir quand même, je pense, une écoute différente. Est-ce que ça te différencie pas par rapport au monde extérieur dans lequel tu vis, mon chéri? Alors si, justement, ça me différencie énormément, parce que ils n'ont pas la même notion de la musique que moi, et ça me différencie vraiment beaucoup beaucoup d'eux, et c'est un écart énorme que des fois c'est assez difficile à comprendre et à accepter, mais ça n'empêche pas que ça reste quand même pour certains de bons amis, et il faut surtout pas les rejeter juste parce que j'ai pas la même notion qu'eux, et que voilà, faut garder cette notion là et voilà. Mmh. Quel est ton instrument? Alors je joue de la batterie, moi, mais j'essaye de faire aussi des effets électroniques avec certains micros, mais vraiment un tout petit peu, et sinon ça reste la batterie. Merci Gaspard. Oui, Gaspard, c'est ça. Gaspard, voilà, Gaspard Misselin. Ça fait combien d'années que tu fais de la musique? Tu as 12 ans, ça fait 12 ans que tu fais de la musique. Ouais, ça fait... Enfin, j'ai commencé vraiment... j'ai commencé au conservatoire il y a 5 ans. C'est ma 5e année, là. Et donc, la batterie, parce qu'évidemment, en classique, on ne fait pas de batterie. Et donc, la batterie, j'ai commencé à bosser il y a 3 ans. Enfin, non, 2 ans et demi. Et donc la musique improvisée, j'ai découvert ça il y a 2 ans. Qu'est-ce que tu pensais du pianiste avec qui tu as passé une semaine, Frédéric Blondy? Alors j'ai vraiment beaucoup apprécié cette semaine, c'était vraiment un moment magique pour moi, parce que j'avais déjà fait, en fait Frédéric Blondy est dans un groupe qui s'appelle Hubbub, et il y a un batteur dans ce groupe qui s'appelle Édouard Perrault, et donc l'an passé j'avais fait un stage avec lui, et donc j'avais déjà vécu un moment magique comme ça, et là c'était le fait d'être avec plus un batteur mais un pianiste, c'était encore plus grand, et j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai appris plein de choses, ça a encore plus performé ma notion d'écoute, de réagissement par rapport à la musique improvisée, et c'est vraiment un très bon pianiste. Je sais qu'il fait souvent des stages, mais il a vraiment il enseigne très bien la musique, il nous donne des astuces, tout ça. J'ai vraiment passé une très bonne semaine, et puis j'ai pu rencontrer plein de gens aussi, plein d'autres musiciens, c'est vraiment bien, parce que du coup je reprends du contact, j'ai de nouvelles personnes, je commence à élargir mon réseau de contact dans la musique improvisée, dans la musique tout court d'ailleurs, parce que il y en a beaucoup qui font aussi de la musique classique, et c'est vraiment bien de rencontrer d'autres gens. C'est à refaire l'année prochaine, je pense. Je serai là l'année prochaine pour le stage. J'espère que je rencontrerai encore d'autres personnes. Tu as beaucoup de temps devant toi, je te le garantis. Merci Gaspard. C'est long, je me souviens sur le nom de papier. Super. C'est comme le batteur. N'oubliez pas. Vite sec, de pas dire en fait mon sort. Pianiste et enseignant, voici Frédéric Blondy. Dans l'imaginaire des individus qui écoutent. Ouais. Mais c'était pareil l'article de la dernière fois, c'est, tout, c'est l'usine, c'est le bruit, c'est la ferraille, c'est le bruit. C'est tout hier midi, c'est pareil, c'est un peu l'usine aussi quoi. Mais il s'identifie toujours à, ça, à cette image de brouhaha, parce que bon, effectivement, moi je connais pas, j'arrive, je me dis c'est le brouhaha, et quand j'écoute ça, je me dis, bon, il y a une idée, il y a un filage, il y a une fil conducteur, il y a quelque chose, et il y a quelque chose aussi même dans le brouhaha, enfin dans le chaos, il y a quelque chose, mais il n'y a pas forcément ces bruits de métal. Non, pas du tout, ça peut prendre plein de couleurs très différentes, des fois t'as l'impression au contraire même de paysages très apaisants, d'entendre le vent, des choses très très douces, ou voir des choses très abstraites sur le plan sonore, mais qui évoquent pas, qui renvoient rien d'industriel ou rien de connu. Enfin, bon, en tout cas, ça nous renvoie pas forcément à des références qu'on pourrait. Oui, comme ça, en tout cas des références d'un monde ou d'un univers réel, environnant. Quoi. Et après, c'est toujours amusant de voir comment ça fait écho dans l'imaginaire des personnes qui écoutent ça. Quoi. C'est toujours étonnant. On se pose moins la question en art plastique, c'est marrant, on s'y porte plus facilement de travailler la matière ou que les couleurs. Comme ça, on ne va pas demander à quelqu'un, je sais pas, on va lui dire que c'est une tâche ou. Alors que là, on est bouleversé quelque part. Ouais, là, il y a une. Mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas de paupières pour les oreilles et ça perturbe beaucoup plus. Et puis, je pense que par rapport au sonore, les gens sont. La musique est beaucoup plus réacte que les arts plastiques. On a entendu des choses beaucoup plus faciles. Enfin, je sais que l'art plastique, l'art contemporain en art plastique est beaucoup mieux vécu par Monsieur Tout-le-Monde que la musique contemporaine aussi. C'est pas le même public, c'est pas le même rapport aux œuvres aussi. Le fait de pouvoir être dans une expo, on se déplace, un truc qui nous plaît pas, on continue, on passe au truc suivant. C'est vrai que en musique, tu es assis, tu es là pour une demi-heure, un quart d'heure. Il y a un rapport au temps aussi. Et les gens, ils ont de plus en plus de mal à offrir de leur temps. Tu veux qu'on y aille là? Ouais, je veux bien. Ouais. À tout à l'heure. Je vais récupérer ma compagnie de la gare et on se retrouve à 2h15. Là, t'entends le vent, c'est magnifique. Il y a Eric M qui est là aussi, qui organise, qui fait un des stages. Il organisait pour certains des promenades en aveugle dans la ville. Oh. Ils ont une technique en fait où il y a une personne qui est là avec toi, qui te tient la main. Et en fonction des indications, elles t'apprennent en te tenant la main, te donne quelques indications pour s'il y a des marches ou aller à droite, à gauche, mais la personne reste avec les yeux fermés pendant une demi-heure, une heure. Et en fait, ils font une promenade. Et qui est une balade finalement. Ils font ça aujourd'hui ? Entièrement auditive. Ils ont fait ça plusieurs fois, je crois. Je ne sais pas s'ils l'ont tous fait, il a fait ça par moment pour habituer les gens à écouter aussi différemment. Mais quand on s'y penche, déjà c'était le cas de John Cage, a vraiment beaucoup parlé de ça, quoi. Il lui dit qu'il n'avait jamais entendu un bruit sans l'aimer. Et pour lui ouvrir les portes de ses fenêtres à New York, ou aller en pleine nature et s'installer. Et en fait, on se rend compte à quel point, effectivement, ces oreilles qui nous servent avant tout de récupérer énormément d'informations tout, dans le son qui nous environne pour éviter les dangers. Et une fois qu'on se laisse aller et qu'on n'a plus peur des dangers, justement, avec cette expérience, par exemple, de marcher en aveugle, en se confiant à quelqu'un, on peut vraiment écouter ça comme une pièce musicale. C'est passionnant. Mais c'est comme faire appel à ses sens. Fermer les yeux, on n'utilise plus les yeux, on utilise le sens du... Quel sens on utilise ? Bah, finalement, en utilisant... pour marcher, il y a aussi ce qu'on appelle la proprioception, ce qui nous permet de ne pas tomber quand on a les yeux fermés, et l'oreille interne qui nous donne l'équilibre. Mais je veux dire, le sens principal, c'est effectivement, à partir du moment où on en est un provisoirement un, on récupère davantage d'acuité sur les autres, et tout d'un coup, on perçoit plein d'autres choses que l'on ne percevait pas avant. Et d'ailleurs, moi, j'étais très surpris, ayant travaillé avec un accordeur aveugle pendant des années, de voir... quand il venait dans des salles de concert différentes pour faire les accords, pour moi, il était capable de jauger de la taille de la salle en fonction du son. Et même si la salle était mate, enfin, puisqu'on peut se faire piéger par l'acoustique des lieux, quand t'as beaucoup de réverb, on pourrait imaginer que c'est très grand, et quand c'est très mat, on pourrait imaginer que c'est tout petit, alors que des fois il y a des salles très grandes qui sont très mat. Ben lui, il arrivait quand même en général assez bien à savoir la taille des salles comme ça, juste en y rentrant. Donc ça montre à quel point on peut déterminer des choses et à partir de juste de nos oreilles. C'est-à-dire que tu peux t'adapter à la salle et de jouer par rapport à la salle. Oui, c'est indispensable. Je dirais même que la première chose à faire en tant que musicien, notre premier instrument, c'est la salle. Puisque le son, c'est la musique, c'est mettre en vibration des ondes d'air, de l'air, et que finalement notre instrument n'est qu'un vecteur de cette vibration, mais le lieu, ce qui compte le plus, c'est quand même le lieu. Et effectivement, on peut pas jouer pareil, chaque salle exige d'adapter en permanence son jeu pour pouvoir jouer vraiment avec le lieu. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et effectivement, une salle qui a, qu'on dit très mat, c'est-à-dire qui n'aurait pas de réverb, qui ne porte pas le son. Il y a des salles qui sont tellement sèches comme ça, où on a l'impression que le son reste dans les instruments. Ça, c'est à peu près ce qui se fait de plus difficile. T'entends ça ? On peut faire quelque chose avec ça ? On va se retrouver encore dans on va nous dire qu'on fait de la musique industrielle. Ouais, c'est ça. Faut que le son il sonne fort, quoi, quelque part. Le musicien a besoin de jouer fort pour se faire entendre, reconnaître. Et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'entendre fort quelque chose, parce qu'on a peur du vide ou on a peur de ne plus rien entendre. Et on reste muet au son silencieux. On a peur de ces sons qu'on parlait du vent tout à l'heure ou du silence tout court. On a peur de plonger dedans parce qu'on n'entend plus rien. Je pense que c'est pour ça que les gens habitent en ville, on se sent en sécurité. Enfin, moi j'en ai fait l'expérience. La ville, c'est vrai que ça amène une sécurité. Se retrouver en pleine forêt seule, ça amène une autre dimension. Alors là, c'est difficile à dire. Pour moi, je pense que ça renvoie beaucoup à des angoisses individuelles ou à des vécus individuels quand même. Parce qu'il y a des gens, au contraire, que la surenchère d'informations sonores de la ville angoisse terriblement et peut être source de beaucoup de problèmes. C'est finalement plutôt une question presque d'acculturation, c'est-à-dire le fait d'avoir vécu sans forcément faire vraiment le choix, dans un environnement qu'on a appris à connaître sans jamais vraiment, je veux dire, se poser la question de le rencontrer, mais on y a vécu, donc on s'y a adapté. Et effectivement, quand on en sort, on perd un peu ses repères et on est déstabilisé. Et pour en revenir à ce que tu disais sur les nécessités de jouer fort, effectivement, c'est très amusant de voir déjà la différence de... on entend bien quand même les musiciens qui viennent de la ville, de ceux qui vivent à la campagne aussi. Hein. C'est, oui, oui, il y a vraiment un autre rapport. Même quand moi, ça m'arrive de jouer, de passer un moment à la campagne, de jouer en campagne, c'est ou dans des pays où il y a beaucoup moins de population, on joue différemment. Ça amène autre chose. Et je pense qu'il y a, après, dans cette opposition, encore une fois, avec ce que tu disais de jouer fort, il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui travaillent sur le... Au contraire, jouer des choses très petites, qui finalement vont apprendre à l'auditeur, quelque part, tout en jouant, à tendre l'oreille. Et c'est cette capacité, finalement, tout d'un coup, on fait des choses tout petites. Au départ, on n'entend rien, on se dit au fond de la salle, mais c'est pas possible, j'entends rien. Et puis au bout de quelques secondes, l'oreille s'est adaptée et on arrive à découvrir que finalement... Même en poussant l'expérience à l'extrême, le silence n'existe pas. Même le silence est extrêmement chargé. Si l'on poussait finalement l'expérience extrême, ce serait de se retrouver dans une chambre sourde. Et très rapidement, quand on est dans une chambre sourde, je ne sais pas, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on est submergé par les sons de notre propre corps. C'est-à-dire on entend le flux sanguin, on entend même pendant un petit début, au début d'abord, notre cerveau va générer lui-même du son à nos oreilles pour pas qu'elles soient trop déstabilisées. Et puis ensuite, ce qu'on va même des fois voir, c'est ces fameuses acouphènes, presque, même quand on n'a pas d'acouphènes à proprement parler, on va avoir des fois des petites fréquences qui restent. Et ça, en fait, c'est une forme d'activité cérébrale. Qui peut disparaître petit à petit quand on est vraiment dans le grand silence, mais par contre on va récupérer derrière effectivement tout en premier lieu le boucan que fait notre flux sanguin dans le corps. Et c'est amusant à quel point finalement les expériences de silence sont des expériences de découverte d'un autre degré de vie. Comme finalement, si on va peut-être des fois dans le désert, qu'il n'y a plus rien, et souvent, je crois, si on regarde de plus près au microscope, il y a toute une vie qui se passe. Il y a des insectes dans plein d'endroits, des choses qu'au départ on ne voit pas. Et puis quand on se rapproche de plus près, on découvre toute une vie, tout un monde. Bah, je sais, parce que j'ai des fourmis dans les jambes des fois. Découvrir son corps. Ouais. Tu disais tout à l'heure que dans les arts plastiques, on est moins choqué par ce qu'on entend parce que nos oreilles n'ont pas de paupières. Enfin, c'est l'image que j'ai retenue tout à l'heure. Pourquoi ? Bon, je sais que le son, la musique, c'est le parent pauvre de l'image. On est beaucoup plus interpellé par l'image parce que les yeux ont quelque chose de beaucoup plus, je veux dire, une fonction beaucoup plus... Comment dire ça ? Elle prend l'événement et l'intègre dans le cerveau, alors qu'une fois qu'on est aveugle, les oreilles ne perçoivent pas de la même manière. Enfin, les informations ne vont pas directement de la même manière au cerveau. Et pourtant, il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond dans le son. Et pourquoi je pense qu'on est choqué parce que c'est difficile d'entendre ce qui est en nous. Enfin, là, je m'égare peut-être un peu de la musique. Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on peut se poser des questions sur ce qui fait l'écart de la discipline, indépendamment du problème qu'on pourrait imaginer de la perception des gens, mais ça y est aussi lié. C'est vrai que c'est un questionnement. Pourquoi... qu'est-ce qui fait la différence entre l'art plastique et la musique, entre la peinture, entre... Pour moi, il y a une grande différence. Tout d'abord, c'est la musique ne fabrique pas d'objets à proprement parler. C'est un des rares, c'est même pratiquement le seul art qui ne fabrique pas d'objets. La littérature fait des livres, de même que la poésie nous laisse un poème. Alors la poésie, c'est comme ça aussi, quelque chose qui est dans le temps, qui va être récité, c'est aussi un cas un petit peu à part. Mais voilà, quand on va dans un musée, on regarde un tableau, une installation, on a un objet qui est présent. Et l'objet, même si ça peut être extrêmement émouvant, ça nous transmet beaucoup de choses, ça nous interpelle, c'est quelque chose d'un peu mort. On va récupérer des vibrations magiques, comme dans, je sais pas, le premier truc qui vient à la tête, c'est quand on est confronté pour la première fois à une peinture de Van Gogh, un vrai tableau, pas une reproduction, ça vibre d'une vie incroyable. Mais néanmoins, ça reste quand même un objet qui est dans un cadre bien défini. La musique, elle a un truc très spécial, c'est qu'on fait pas un objet, on a un être vivant quelque part. C'est-à-dire que la musique, elle est vivante. Et on a donc un organisme quelque part qui est vivant. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle, en tout cas c'est mon cas, je ne veux pas généraliser trop, mais on est rarement ému autant que par de la musique. Il n'y a pas beaucoup d'autres disciplines qui peuvent nous émouvoir autant que l'on est ému par le sonore. Parce qu'en fait, il ne signifie rien, le son. Hein, on est un être de langage, mais la musique ne signifie rien. On peut pas. Elle va nous faire entendre, percevoir des choses. Elle nous renvoie à un vécu, à des émotions, à des choses personnelles qu'on arriverait souvent difficilement à nommer. Et par contre, c'est justement, on est confronté à quelque chose qui nous renvoie de la vie, un vécu, et on peut se laisser happer par cette vie et justement partager comme ça avec cette avec cet organisme qu'est la musique. On peut partager un moment et être bouleversé parce qu'effectivement on est confronté à un autre être vivant qui résonne en nous. Je pense que c'est au cinéma, effectivement, bon, il y a une histoire, mais il y a le son qui vient. Et souvent quand on regarde un film, ça m'est déjà arrivé l'expérience avec ce magnifique film Shining de Kubrick qui est assez angoissant. Mais à partir du moment où on regarde le film et qu'on coupe le son, on n'est plus du tout angoissé. On voit des images, on voit des trucs qui se passent dans un hôtel, on voit des. Et en fait, bon, c'est la musique de Ligeti, d'ailleurs. Quand on remet le son, juste ce son-là. Alors après, dans ce contexte-là, parce que cette musique-là, elle génère autre chose que de l'angoisse, mais effectivement, dans le contexte qu'on est, avec ces images-là, elle va produire, ramener une sorte d'angoisse terrible. Donc en fait, je pense que majoritairement, effectivement, les gens sont plus perméables. La musique, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de paupières pour les oreilles. Donc finalement, on peut difficilement ne pas partager cet organisme-là, cette sorte d'aspect vivant de la musique. Et ça peut être, je pense, souvent très bouleversant. Et donc vécu de manière un peu agressive. Tu es enseignant, tu es musicien. Frédéric, on arrive à la gare. Hein. Oui, pas de soucis, on regardait juste l'heure pour être tranquille. Quelle heure il est ? 20, pas que 22. Il arrive à quelle heure À 30, donc on est parti. La question. Oui, c'est du jazz free, on dit c'est de la libre improvisation. C'est parce qu'on déstructure tout, par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure, on déstructure tout et on appelle ça libre parce qu'on n'est plus sur une trame. Alors dès qu'on n'est plus sur la trame, on est libre. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est difficile de nommer les choses. Effectivement, le free jazz aura sûrement eu une grande influence sur ces musiques-là. Il en est peut-être en partie aussi à la source, mais ce n'est pas la seule. souvent les gens sont déstabilisés avec la création sonore. Là, on parle d'improvisation, mais en même temps, il y a des gens, comme ce qu'on vient d'entendre un instant dans la chapelle Saint-Jean. Ou ce que je viens d'entendre en cours, là, au salle 225. Oui, mais qui sont finalement, ce que je voulais dire par rapport à ce concert-là, c'est que c'est des choses qui sont pas tellement improvisées non plus. C'est-à-dire que le garçon, il y a un support qui est une bande sonore, sur laquelle il travaille avec des notes tenues. C'est très conceptuel comme travail. Je veux dire, il présente une œuvre, mais qui n'est pas notée sur papier, il la joue, comme un plasticien ferait une performance. Donc en fait, il y a... beaucoup de choses. L'improvisation, c'est un mot extrêmement large dans lequel on peut mettre une quantité incroyable de choses qui sont très très différentes en fait. Parce que dans toutes les cultures du monde, musicales, il y a de l'improvisation. Donc c'est difficile ce mot. Aujourd'hui, dans cette improvisation que je pratique moi et qu'on fait dans l'atelier, il y a cette idée de c'est sûrement cette étape-là qui s'est franchie depuis le free jazz, c'est de travailler sur le son comme une matière première, non plus support de mélodie, non plus élément que l'on va prendre pour faire quelque chose d'autre. On se dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est que cet élément-là que je travaille depuis des années pour faire des la, des do, des si? Mais si je reste sur un, quels sont ces autres qualificatifs? Qu'est-ce qui fait la différence entre un la de piano, un la de trompette? On rentre dans des questionnements de timbre. Est-ce qu'il serait possible de passer un son en continu du timbre du piano sur une même note au timbre de la trompette? En fait, on se rend compte que le son, c'est un paramètre extrêmement riche. Et que on en a travaillé que sur un seul jusqu'à maintenant, principalement, enfin deux, la hauteur et le rythme, le rapport au temps. Et qu'en fait, il y en a plein d'autres. Il y a l'épaisseur, le grain, est-ce que c'est un son chaud, un son froid, est-ce que c'est un son complètement lisse ou au contraire extrêmement rugueux. On pourra rapprocher ça aussi à toutes les sensations de toucher. Est-ce qu'une peau qui serait toute douce ou ou un sol lisse en touchant un marbre, ou si on touche au contraire des graviers ou un mur de béton, on a trois sensations différentes. Et bien la musique, le son pourrait être pareil. Il peut être d'une pureté incroyable, extrêmement lisse, ou alors au contraire sur un seul son avoir finalement une richesse de couleurs à l'intérieur, de grains et d'autres caractéristiques. Et ça, c'est passionnant de voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Est-ce que ça peut devenir la musique aussi, cette variation là-dedans? Le monde est grand. J'ai l'impression qu'on se restreint par rapport à ce qu'on connaît, parce que finalement la planète n'est pas aussi grande que ça. Mais quand tu me parles, je pense à la danse Buto du Japon. Je pense à la musique d'Indonésie, de Thaïlande, qui sont dans l'improvisation. Et je me dis, tout ça existe déjà. Et on a l'impression que nos cultures ne sont pas si loin que ça, mais que nos yeux ne vont pas si loin que ça. Oui. Et pourtant, ce sont avec ces yeux-là qui nous permettent d'entendre, parce qu'on disait tout à l'heure, si on ouvrait nos oreilles, on entendrait beaucoup plus loin que ça. C'est sûr. C'est l'être humain qui se comporte comme ça. Bien sûr. Mais tu as fait un travail, tu as fait un cheminement pour comprendre ça, ou tu es tombé très tôt dans la marmite et tu as fait du bruit? Non, en fait, oui, c'est plutôt un cheminement. Tu as vu, j'ai dit bruit. Tu as dit, j'ai dit bruit. Oui. Tu vois, c'est encore un... Ouais, j'ai un défaut. Ouais, Mais si, c'est ça. On en parle souvent de ce décalage, souvent pour éviter que les gens soient déstabilisés, parce que ça nous arrive des fois dans les concerts que les gens disent, mais c'est plus de la musique ou ce que vous faites. En fait, si vous voulez l'entendre comme ça, comme n'étant plus de la musique, ça ne nous pose pas de problème. Et finalement, peut-être que la meilleure chose à faire, parce que si on vient en se disant, tiens, je vais écouter de la musique avec des attentes spécifiques, c'est-à-dire du rythme, de la mélodie, des choses comme ça, forcément on va être déçu parce que nous on ne travaille pas sur ça. Par contre, si on vient en se disant je vais aller faire une expérience sonore, m'installer quelque part, de même que si j'allais prendre ma voiture, sortir de Mulhouse, faire 40 km et m'installer à la campagne et écouter, là on vient, je dirais, plus disponible à ce qu'on va peut-être entendre. Et c'est juste essayer de venir souvent dans un état de. Ça c'est très difficile, dans un état de disponibilité. Mental en fait, hein, parce que c'est l'écoute, c'est un détail finalement, si on est vraiment disponible et ouvert à faire des expériences nouvelles. Mais c'est vrai qu'on est, je pense, c'est aussi humain d'essayer de. On se construit des endroits, le café où on va toujours, on a besoin de repères, et c'est vrai que faire le pas de se dire voilà, je vais aller quelque part où je vais peut-être être un peu perdu, en même temps il n'y a pas grand danger, ma vie ne va pas être en péril. Donc ça souvent ça vaut le coup de faire le... Tu as acheté des chewing-gums? Ah, tu as acheté des chewing-gums parce que l'arrivée c'est là-bas. Ah, et ça c'est le départ. Ouais. Merci. Alors on va penser avec nos oreilles et nos oreilles vont écouter, notre tête va écouter. On aura fait une super balade, si les gens arrivent à enlever nos paroles, ils vont pouvoir écouter toute la ville qu'on a traversée. Ah ouais. On fera deux versions. Merci Frédéric. Merci à toi Richard, grand plaisir. Ah oui, grand plaisir, merci. Bon, là, on l'a quitté les rues de France pour retrouver les rues du désert. Eh bien, quelle aventure. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop remis en question vos certitudes, vos incertitudes, vous n'êtes pas trop résigné, mais bon, c'est une expérience à vivre et j'espère que vous l'avez bien vécu. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé aller les rencontrer, jouer avec eux, chanter avec eux aussi et ressentir à l'intérieur de moi qu'il y avait des choses qui bougeaient. Beaucoup de choses que même quand c'est pas structuré ou organisé, on arrive à trouver dans le chaos des pistes qui nous font voir d'autres possibilités, le voir différent. Et de continuer à cheminer. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment dans le voyage intérieur. Et remercier aussi également Frédéric Blondy, pianiste, et Samuel Collard, pianiste et enseignant au conservatoire, Gaspard, 12 ans, qui ont participé à cette émission de musique improvisée. J'espère que vous avez passé un bon moment, comme je le disais avant déjà. Prenez soin de votre instrument, c'est-à-dire votre corps finalement. Maintenant, vous pouvez jouer de vous et faites le bonheur autour de vous. Tout fou.